L'image au fond des yeux par Maurice Renard. Ceci est arrivé au plus célèbre de nos oculistes quand il n'était pas encore le professeur Fagus, mais seulement le docteur Fagus. Un jour, il eut à soigner un homme, riche et puissant, Fred Arcier, qu'on appelait en France le roi du papier. Arcier lui avait écrit, comme vous ou moi, pour obtenir un rendez-vous. Et l'heure de la consultation était venue. Avant d'ouvrir la porte qui donnait de son cabinet dans le salon d'attente, Fagus ne put se défendre d'un mouvement d'orgueil à la pensée du personnage considérable qui attendait son bon plaisir. Et il se sentit très fier d'avoir tant travaillé et maintenant d'être utile à ses semblables, au point qu'une façon de monarque recourait à ses lumières. Le milliardaire entra. C'était un gentleman correct, de 30 à 40 ans. Fagus remarqua son air de lassitude, son teint de cire blanche, ses rides douloureuses. Il se rappela tout de suite que la puissance industrielle d'Arcier n'était qu'un héritage et que le roi du papier tenait sa couronne d'Arcier le père, d'Arcier le parvenu, qu'il avait conquise à la sueur de son front. Fred, lui, n'avait rien d'un lutteur. Mais, naturellement, l'attention de l'oculiste se porta sur les yeux du nouveau venu. Il se tenait ouvert si fixement qu'il faisait penser à des yeux d'oiseaux nocturnes, ou, ce qui est plus effrayant, à deux yeux de verre. Une horreur perpétuelle les habitait. Tout ce qu'Arcier regardait semblait l'épouvanter. Pourtant, l'homme de science n'était rien moins que terrible. Il avait compris qu'un être très misérable se tenait devant lui, et toute sa belle âme était sur son visage. Sans préambule, d'une voix où se mêlaient l'angoisse, la honte et l'âpre désir d'une mystérieuse délivrance, Arcier s'expliqua, et ce fut d'abord cet aveu et cette prière dans un cri sourd. « Je n'ai plus d'espoir qu'en vous. Sauvez-moi. » Les bras pendants, les mains ouvertes, il paraissait se dévouer. « Voici, » continua-t-il en se faisant violence et comme s'il confessait une faute abjecte. « J'ai dans les yeux, au fond des yeux, une image indélébile, une image comme celle qui reste imprimée sur la rétine quand on a fixé le soleil. » « Scotum, » dit Fagus. C'est cela. Une image pareille à celle qu'on trouve aux yeux des assassinés, aux yeux de ceux qui sont morts de mort violente, et dont la rétine a conservé la dernière vision. Fagus ne sourciait pas. « Vous ne ricanez pas, » s'étonna le milliardaire. « Vous ne vous moquez pas de moi ?»« Non, » dit Fagus. « Ah !» reprit Arcier, dont les traits se détendirent. Si vous saviez combien j'ai rencontré d'incrédules parmi les oculistes auxquels je me suis adressé. Pas un n'a compris. Pas un ne m'a cru. Et rien, ils n'ont rien vu dans mes yeux. Les uns se sont joués de moi. D'autres m'ont renvoyé au neurologue, pauvres gens. Écoutez, docteur, examinez-moi bien, et dites-moi la vérité au nom de ce qui vous est sacré. Parce que je ne puis continuer à vivre avec cette image au fond des yeux. Je suis condamné à la voir partout et toujours. Elle s'interpose affreusement entre le monde et moi. Je la vois les yeux fermés, les yeux ouverts, même la nuit. Le sommeil seul la fait disparaître. Mais le sommeil, hélas, je ne l'achète plus qu'au prix de soporifiques, et souvent je revois en rêve la chose infernale. Depuis combien de temps cette tache est-elle dans votre œil ? Demanda tranquillement Fagus. Oh, ce n'est pas une tache, c'est une image, une scène instantanée. Rien n'y manque. Décors, personnages, couleurs, ombres, reliefs, détails monstrueux. Et quand je veux regarder n'importe quoi, n'importe qui, c'est toujours l'image qui est au point. Non, l'objet ou l'être que je voudrais voir et qui ne m'apparaisse vague qu'à travers l'odieuse fantasmagorie. Depuis combien de temps ? Insista Fagus. Depuis 13 mois. Depuis 13 mois, cette image de damnation me voile l'univers et possède mes yeux. Il faudrait les éteindre pour me guérir. « Ah, c'est une rude confession que je vous fais là. Les éteindre, n'est-ce pas ? Et j'étais sur le point d'en finir avec eux quand on m'a parlé de vous. Alors j'ai différé. « Les éteindre, » dit gravement Fagus, « et si cela ne suffisait pas ?» L'autre baissa les yeux, puis les releva craintivement sur le médecin. « Je ne puis vivre avec cette image au fond des yeux. » Il reprit aussitôt avec stupeur. « Il faut que j'aie en vous une confiance qui m'étonne moi-même pour vous dire cela. » « Je vous demande votre confiance tout entière, » répliqua Fagus. « Elle est indispensable. Dites-moi, l'image, de quelle nature est-elle » Arcier biaisa. « C'est, comme vous le supposez bien, la vive reproduction d'une chose qui m'est apparue à l'improviste. Un spectacle qui m'a surpris violemment et que j'ai aperçu le temps d'un éclair, le temps qu'il m'a fallu pour écarter un rideau et m'évanouir d'horreur. Une vision plus insoutenable pour moi que l'éclat du soleil et plus terrible que l'apparition d'un poignard levé ou d'un revolver braqué. Pendant qu'il parlait de la sorte, ajournant de tout son pouvoir le récit demandé, Fagus le considérait. Arcier faisait face à la fenêtre. Cette fois, il semblait fixer volontairement à l'image, la soumettre à son regard et s'en repaître amèrement. Sa pâleur s'était accrue. Ses traits durcis accusaient davantage leurs rides. On voyait par moments les muscles de ses joues se crisper, élargissant le bas du visage, trop faible pour le haut. Visage de sensuel, d'impulsif, d'émotif. Mais Fagus s'attachait aux yeux. Leurs pupilles ne cessaient de se contracter et de s'épanouir. L'iris était brun, bien pigmenté. Le blanc de la sclérotique tirait sur le jaune, et des vaisseaux rouges l'ensanglantaient. Ses yeux, étrangement durs et secs, leurs cils longs et touffus, les auraient adoucis d'une belle ombre si les paupières, rigides et ne clignant jamais, n'avaient semblé tenues par d'invisibles écarteurs. Au-dessus d'eux, les sourcils noirs, dessinés avec force, se rejoignaient, ne faisant qu'une seule barre froncée au milieu, visage de nerveux et de jaloux. Cependant, le roi du papier s'était interrompu. Une lueur équivoque faussait ses prunelles. « Mais, dit-il, pourquoi vous décrire l'image ? Si vous êtes plus savant que les autres, vous la verrez vous-même, sinon à quoi bon vous renseigner ?»« Soit, répondit Fagus, je vais donc vous examiner à mon tour. Mais je vous avertis que l'image, si je la repère, m'apparaîtra minuscule et renversée. Je n'en distinguerai sans doute rien. Et puis je suis peiné de votre méfiance. » « Pardonnez-moi, implora le pauvre milliardaire, si vous saviez. »« Veuillez entrer, dit simplement Fagus. » Ils pénétrèrent dans la chambre noire. « Vous ne mesurez ni l'acuité ni le champ visuel ? » demanda le visiteur. Fagus réprima un sourire. « Non, c'est inutile. Je vois que vous avez l'habitude. Et je ne ferai même pas d'examen latéral. L'ophtalmoscope, tout de suite. » La chambre noire était éclairée par une lampe électrique encapuchonnée d'un réflecteur. Arcier s'assit, tournant le dos à la lampe. Fagus avait porté l'ophtalmoscope à la hauteur de sa vue. La lentille concave concentrait dans l'œil d'Arcier les rayons de la lampe, et par le trou qui la perçait au centre, Fagus scrutait cet œil inondé de lumière. Il eut un silence où l'ombre et la clarté dominèrent toutes choses. La lampe changea de côté plusieurs fois. L'opérateur examinait les deux yeux tour à tour. Sa physionomie restait impénétrable. Il entendait le cœur d'Arcier battre à grands coups. Sans se presser pourtant, il saisit une loupe et en doubla l'ophtalmoscope. Arcier demanda « Vous ne voyez rien ?» Pas de réponse. L'examen continuait. Enfin, le docteur se leva et se mit à marcher. Puis il s'accouda sur une table, les mains au front. « Rien ?» Toujours muet, Fagus fouilla dans un coffret, en retira une ampoule électrique et remplaça la lampe incolore par une lampe rouge. « Ah, cela c'est nouveau !» fit Arcier. L'examen reprit à la loupe. « Je vois, » dit Fagus. Un cri de joie étouffé lui répondit, mais il poursuivit. « Je vois l'image en négatif. Un scotome affecte votre pourpre rétinien. La lumière, une intense lumière, a décomposé votre macula lutea, le point sensible de votre rétine, absolument comme une plaque de photographie. Je veux dire, d'une façon persistante. Car pour qu'il y ait vision, il faut qu'il y ait décomposition du pourpre. Seulement, dans le cas d'une vision ordinaire, le pourpre se régénère instantanément, tandis que dans le cas d'un scotome, il reste décomposé, quelquefois peu de temps, quelquefois. Quelquefois pour toujours, je sais, mais dites, vous voyez l'image, bien vrai, ah béni soit cette lumière rouge, et béni soyez-vous. Extrêmement curieux, murmurait Fagus. Vos yeux ont fonctionné exactement comme une jumelle stéréoscopique, c'est bien une image photographiée. J'aperçois la courbe d'un rideau soulevé sur un espace brillamment éclairé. Je vois. Il n'acheva pas. Le roi du papier se cachait les yeux dans ses mains. « Assez, je vous en supplie, non, taisez-vous !» La clarté rouge lui prêtait une lividité crayeuse. Il dit encore d'une voix rauque. « Elle et lui, vous et moi, nous sommes seuls à connaître cette abjection. Saisissez-vous maintenant qu'il faut que cette image disparaisse, même si je dois disparaître avec elle ?» Fagus le poussait hors de la chambre noire. Puis il parla. « Dites-moi d'abord ce qui s'est passé aussitôt après. » Elle s'est enfuie, répondit Arcier en se détournant. Je veux dire ce qui vous est arrivé à vous, aussitôt après l'apparition. Ah ! Dit l'infortuné avec un soupir de soulagement. Moi, je suis tombé comme une masse. On m'a trouvé sans connaissance. Le lendemain, quand je suis revenu à moi, l'image était là. Elle y est encore. Après, j'ai essayé de m'occuper moi-même de mes affaires, de prendre la direction de mes usines. Mais l'image, ma vue restait imprégnée de cette infamie. L'instant le plus hideux de mon passé restait présent pour moi. J'ai voulu me distraire. Je me suis jeté dans la fête plus follement que jamais. J'ai pratiqué furieusement les sports les plus durs. Mais j'étais déjà blasé sur tout cela. Et me voici. Et je suis seul sur la terre avec cette image au fond des yeux. Depuis 13 mois, elle n'a pas changé. Elle est toujours si vivante. C'est à croire qu'en m'avançant, je vais pouvoir toucher, saisir, frapper. Acier tendait des mains vibrantes. Ses yeux secs reflétaient une douleur aiguë. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, reprit-il. Mais faites l'impossible pour effacer cela. Fagus dit, comme s'il n'avait pas entendu. Nous allons essayer d'un traitement. Et j'ai bon espoir. Vrai. Arcier serrait les bras du docteur qui se dégagea doucement. Je crois que vous guérirez, dit celui-ci, mais il faudra que vous veniez à l'hôpital où j'assure le service d'ophtalmologie. J'ai là-bas une installation, un dispositif de ma façon qui m'a déjà donné d'excellents résultats, et que j'agencerai pour vous d'une manière toute spéciale. Nous commencerons demain, si vous voulez. Ah, le plus tôt possible. Venez à 10 heures. Je vous demanderai 40 minutes, soir et matin. Pendant combien de temps? Ah, cela. La face d'Arcier se colorait d'une chaleur inusitée. Dès qu'il fut parti, Fagus se fit conduire à l'hôpital. Le lendemain, un peu avant 10 heures, une limousine d'un luxe sombre et sobre s'arrêtait devant l'édifice. Le roi du papier en descendit. Après quelques minutes d'attente dans la loge du concierge, un interne en blouse blanche vint le chercher. « Le docteur Fagus est à vous, » dit-il. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Alors il guida le milliardaire parmi les détours de l'immense établissement. Vieil hospice sur le point d'être abandonné, puis rebâti selon les principes de l'hygiène moderne. Chemin faisant, l'interne s'excusait de la vétusté du lieu. Cour sinistre, antique galerie, couleur chagrin. L'indigent se peignait au mur badigeonné d'une croûte de chaux. Aux portes s'alignaient des inscriptions glaciales, termes pathologiques, titres de service, nom de médecin. Il traversait des salles de malades. C'était l'heure de la visite. L'odeur des antiseptiques emplissait l'atmosphère. Il croisait des infirmiers et des sœurs vaquant à leurs besognes quotidiennes. Arcier ressentait là l'étonnement des riches, qui sont toujours désagréablement surpris lorsque l'occasion leur montre, dans la vie des pauvres, le côté collectif. Être malade à la douzaine, soigné en gros, mourir en série, Arcier frissonna. « C'est pitié, disait l'interne, d'être aussi mal logé que nous le sommes. On est les uns sur les autres. » Le service du docteur Fagus est incroyablement resserré. Vous allez voir, monsieur, sa nouvelle installation, comme c'est petit et mal commode. C'est pareil du reste avec cela. Il est temps qu'on déménage. Nous y voici. Il venait d'entrer dans une longue salle toute blanche où de petits lits se rangeaient de part et d'autre, ménageant une allée au bout de laquelle on pouvait lire sur une porte, en grosses lettres écarlates, fraîchement peintes, « Ophtalmologie » et au-dessous, « Docteur Fagus ». L'interne frappa et dit à haute voix, « C'est monsieur Arcier, maître. » Au bout d'un instant, la porte s'ouvrit, et Fagus, paraissant, remit aux mains de l'interne une femme dont les yeux étaient cachés par un bandeau. « À vous, monsieur, » dit le docteur. Arcier se vit encore dans une chambre noire, mais celle-ci différait de toute autre. Dans ce cube d'un noir mat, on se serait cru à l'intérieur d'un appareil photographique gigantesque. Au milieu du mur opposé à la porte, une sorte de réduit cylindrique s'enfonçait dans l'ombre comme vers quelque objectif colossal. Sur la prière de Fagus, le milliardaire chaussa des besicles vertes et s'assit au centre de la cabine devant l'orifice du large tube. L'obscurité se fit. Arcier, intrigué, plein d'espoir, s'attendait à un déclic qui, là-bas, tout au fond du tube, dévoilerait... quoi ? Un déclic, en effet, se fit entendre, et ce qui se montra tout à coup fut un disque d'une blancheur absolue. Arcier, regardant par-dessus les besicles, vit qu'en réalité ce disque était rouge et d'un vif éclat. Il pensa les complémentaires et questionna « Quelle est cette lumière ?»« C'est un secret, pour quelque temps encore, » répondit Fagus. « Sachez seulement que ce ne sont pas les rayons visibles qui opéreront. Continuez à regarder à travers les lunettes. » À 10 minutes de là, Fagus substitua des besicles bleus aux besicles verts. Le disque alors devint un rond jaune. Plus tard, les vésicules furent rouges et le disque fut vert. Et il fut bleu quand elles furent jaunes. Et toujours, quelles que fussent les couleurs, Arcier voyait le même soleil candide où s'inscrivait l'image impitoyable. La première séance prit fin au bout de 3/4 d'heure. C'était là tout le traitement auquel Arcier devait se soumettre 2 fois par jour. Il revint donc dans l'après-midi. On le conduisit encore à la porte de la chambre noire, mais une sœur toute de blanc vêtue lui dit avec une douceur angélique « On n'entre pas, monsieur. Le docteur Fagus est occupé avec un autre patient. Il vous faut attendre. Vous pouvez rester ici. Ne craignez rien, nos petits malades ne sont pas contagieux. Ce sont des enfants scrofuleux. Voulez-vous une chaise ?» Fred Arcier était de ces rois qu'on ne fait pas attendre. Un peu interloqué, il accepta le siège. Et la sœur le quitta sur une gracieuse inclination. Le milliardaire la suivit du regard. Elle allait d'un lit à l'autre. Il ne remuait guère ses lits, et la tranquillité de la salle devenait émouvante quand on pensait qu'il y avait là 20 petits-enfants. Arcy avait toujours eu horreur des enfants, à cause de leur turbulence. Il ne comprenait pas cette tranquillité. Dormait-il? Mais justement, quelqu'un troubla le calme. Un gémissement s'élevait. La sœur glissa, rapide. Arcier s'approcha, curieux, et vit alors ce qu'il n'avait jamais vu souffrir un enfant. Le pauvre Brambin avait une figure toute menue, toute maigre. Il ouvrait des yeux immenses, d'une profondeur inimaginable, et la souffrance lui donnait un air si grave, si désespéré, que son crâne pesant semblait loger l'âme d'un vieillard chargé d'expérience et de tristesse. « Maman, » gémissait-il. « Oh, ces petits tout seuls, malades et loin de leur maman. » La sœur, il est vrai, se faisait maternelle de son mieux. Elle disait de jolies choses tendres, elle caressait gentiment. Mais sa rondeur ne laissait pas que d'être autoritaire, et enfin, ce n'était pas maman, n'est-ce pas? Eh oui, faisait-elle, c'est encore cette vilaine jambe. Ça va passer, va. Allons, que Dieu génial, sainte vierge. Mais le petit, pleurant de grosses larmes, n'écoutait pas. Son mal le torturait et le faisait grimacer d'une manière qui eût apitoyé le cœur le plus dur. Oh, ma sœur! Arcy observait cette douleur avec stupéfaction, comme un prodige détestable. Il était là, les mains jointes. « Celui-ci n'est pas le plus à plaindre, » dit la sœur. « Mes petits malades vous intéressent, monsieur ?» L'enfant s'était calmé. Arcy suivit la religieuse qui continuait sa tournée. Elle lui nomma ses enfants un à un. Nul ne dormait. Tous, sans rien faire, sans rien dire, ouvraient sur un même rêve leurs yeux trop vastes et trop pensifs. Certains étaient infirmes irrémédiablement. D'autres mourraient bientôt. Ils paraissaient le savoir et songeaient au bonheur qu'ils ne connaîtraient pas. Le cœur gonflé de compassion, Arcier n'osait leur parler. Il y avait en eux on ne savait quoi de divin qui l'intimidait. Que leur dire à ces petits qui fut assez doux, assez beau, assez grand? Ah, être roi de France, au lieu d'être un roi de papier. Passer devant eux en les touchant d'un signe de croix, dire « Le roi te touche, Dieu te guérisse. » Et les guérir un peu, en effet, d'une parole et d'un geste. Un appel retentit. « Monsieur Arcier, à vous !» Arcier reconnut la voix de Fagus. « Pardon, ma sœur, » fit-il. « À tout à l'heure. » Le disque de lumière surgit au fond du tube noir comme un astre de saphir. Dans l'ombre azurée, Fagus surprit un mouvement brusque. « Qu'y a-t-il » interrogea l'oculiste. Arcier ne put parler qu'au bout d'un instant. L'image avait pâli. Le jour suivant, Arcier fut en avance. Il portait un grand sac de voyage. Ayant appelé la sœur confidentiellement, il ouvrit le sac et lui fit voir ce qu'il contenait. La bonne créature en fut émerveillée. « C'est trop beau, monsieur, comme ils vont être heureux. » Heureux ils le furent en effet, presque tous. Quand le milliardaire eut achevé le tour de la salle, chacun avait reçu son jouet. Qui une poupée parlante, qui un pantin mécanique, qui un cheval couvert de vrais poils, qui un livre d'images toutes dorées. Et Arcier ne se lassait pas de contempler la transfiguration qu'il venait d'opérer, et il écoutait avec ravissement les quelques rires qui chevrotaient. Cependant, certains petits restaient indifférents. De ceux-là, les uns maniaient leurs beaux joujoux comme s'ils n'avaient pas compris qu'il fût amusant. D'autres donnaient l'impression d'être trop vieux pour jouer. D'autres, enfin, semblaient déjà sortis de ce monde et n'en plus distingués que des formes troubles. Arcier s'en fut au chevet de l'un d'eux. L'enfant, sévère, tournait, retournait et palpait de ses doigts grêles une miniature de moulin à vent. Le pauvre homme ne savait comment s'y prendre pour l'égayer. Il était gêné aussi par ce respect que tant de souffrances lui imposaient. Il avait peur de ne pas savoir parler à cette enfantelet si fragile et si vénérable, et tremblait de lui briser quelque chose dans l'âme par maladresse. Arcier fit un grand effort de mémoire, s'enhardit et dit tout bas. « Il était une fois un meunier. » L'enfant se mit à le considérer attentivement. Le conteur poursuivit. « Un meunier qui n'avait pour tout bien qu'un moulin, un âne et un chat. » lança derrière lui une voix chaude. Arcier se retourna et vit Fagus qui souriait. « Allons, monsieur, » fit celui-ci, « continuez le chaboté. Vous viendrez ensuite me retrouver. J'ai le temps ce matin. » Ce jour-là, l'image pâlit encore. Ainsi s'écoulèrent les semaines qui suivirent. Arcier faisait deux parts de ses séjours à l'hôpital, l'une consacrée au petit malade, l'autre à son traitement. Mais bientôt sa pitié, devenue charité, s'exerça sur un plus grand rayon. Des enfants, elle s'étendit aux autres malades qu'il voulut visiter, et cet homme, à qui un abîme de supplice venait de se révéler, s'ingéniait de toute son âme à secourir tant de misères. Au demeurant, il avait besoin de manifester par des actes la reconnaissance dont il débordait, car de jour en jour, l'image maudite allait s'affaiblissant. La lumière du disque merveilleux semblait la ronger petit à petit. Le modelé en avait disparu. Elle se décolorait et s'estompait progressivement. Bientôt, elle ne fut plus qu'une silhouette grise de plus en plus diaphane et sans cesse plus confuse. Une heure sonnerait où le dernier vestige s'en effacerait comme se voile un reste de photographie sur une plaque exposée au soleil. À certains moments, par exemple dans l'éclairage mesuré de la salle des petits, quand Arcier leur contait peau d'âne ou cendrillon, l'image n'était plus visible, et pour la revoir, il fallait que le milliardaire y pensât. Hélas, les contes mirobolants étaient parfois sans force contre la souffrance et le destin. Il y avait un enfant, un surtout, qui désolait Arcier. Celui-là, rien ne pouvait le tirer de son silence poignant, rien, même le supplice du pansement qui arrachait ses voisins des cris si affreux. Et Arcier, qui se serait fait crucifier pour le sauver, ne savait que lui prendre la main et le regarder longtemps, pour bien lui prouver qu'il n'était pas seul, qu'il y avait quelqu'un là pour le secourir et qu'on l'aimait très tendrement. Or, il arriva qu'une après-midi, pendant que la sœur lui renouvelait ses compresses, le roi du papier, qui tenait sa menotte, vit s'agrandir et s'assombrir encore les yeux de l'innocent martyr. La sœur, avertie des choses de la mort, s'écarta tout de suite et se signa. L'homme, effaré, l'interrogeait du regard. Elle priait. Arcier, ayant compris, ne bougeait pas, perdu dans la contemplation des yeux enténébrés. Une peine infinie le serrait à la gorge. Il ressentit aux tempes une sorte de douleur. Son menton se prit à trembler. Sans quitter la main morte, il appuya son front sur le lit. Mais, comme au jour du chaboté, une voix s'éleva. « Pauvre petit !» Et Fagus lui toucha l'épaule. Arcier se redressa, un doigt sur la bouche, montrant au médecin les autres enfants. Il avait des larmes plein les yeux. « Venez-vous ? » dit Fagus en indiquant la chambre noire. « Alors ?» Et quand Fagus raconte l'histoire, il affirme qu'il n'oubliera jamais cela. Dut-il vivre 100 ans et plus ?« Alors ?» Il vit Arcier, avec ses yeux encore noyés de pleurs, s'efforcer de regarder dans le vide, comme pour y chercher quelqu'un qui aurait disparu par enchantement. Il s'essuyait les yeux, se les frottait, battait rapidement des paupières pour s'éclaircir la vue, puis reprenait son inspection fantastique. Il finit par se tourner vers Fagus. Il ressemblait, on ne sait comment, à un personnage de vitrail, un radieux miraculé. Fagus lui tendit la main, sachant ce qui venait enfin de se produire. « Ah » murmura-t-il, « les larmes, pleurez ou non, tout est là, voyez-vous » ?»« Les larmes ?» objecta le milliardaire, « les larmes et votre lumière mystérieuse ?» La sœur tire le drap sur le petit cadavre. « ma lumière, » dit Fagus, « c'est la lumière, tout simplement. » Ainsi s'achève « L'image au fond des yeux » par Maurice Renard.